C'est pour toi que je chante, pour toi, mais en échange, tu danses sans moi, je m'ennuie quand je te vois dans d'autres bras. Crois-moi, crois-moi, mais en revanche, tu te balances sans moi. Je m'ennuie quand je te vois dans d'autres bras. Je te berce, crois-moi, crois-moi, mais en échange, tu danses sans moi. Je m'ennuie quand je te vois dans d'autres bras. Maudit.